bien que tu dis ça pour m'aider. Mais je ne te crois pas, mais pourtant je voudrais bien. Tu vois toutes ces idées qui partent en fumée.